Bonjour à toutes et tous qui êtes branchés sur le 94.7 ou le 93 FM, vous écoutez Radioactive. Bienvenue dans un nouveau MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale du Val d'Amboise, de Touraine-Est-Vallée, de Bléré-Val-de-Cher, voilà, localité qui nous entoure. Notre émission est aujourd'hui dédiée à la 5e édition du Village des métiers d'art Monanfête qui se déroulera ce week-end, les 13, 14 et 15 septembre. Un rendez-vous désormais bien ancré sur le territoire et visant à mettre en lumière l'artisanat d'art, les professionnels, les centres de formation et l'emploi. Une manifestation co-organisée par la commune de Mône et le fonds de dotation Une musique, un sourire. Alors pour parcourir le programme de ce rendez-vous incontournable, j'accueille aujourd'hui Christophe Villemain. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes maire de la commune de Mône, vous êtes PDG du groupe Villemain, président fondateur du fonds de dotation Une musique, un sourire, dont le projet est de créer une école publique inclusive afin d'accueillir des enfants autistes sur la commune. Tout à fait. Tous les événements que l'on peut faire servent ce projet qui a pour ambition de créer une école inclusive copiée sur le modèle néo-zélandais. Donc le but, c'est de construire cette école avec un concept pédagogique et architectural complètement basé sur la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une copie conforme de ce qu'on peut faire et ça va se faire en partenariat avec ce pays qui utilise ses méthodes architecturales et pédagogiques depuis 1989. Donc ça fait 35 ans qu'il utilise ce concept. Voilà, et puis vous nous expliquiez l'an dernier, hein, puisqu'on s'était déjà vu sur notre antenne, que ça sera aussi l'occasion de pouvoir accueillir un observatoire. Et voilà, le but, normalement, nous sommes retenus pour être un projet pilote en France, et donc ça permettra de faire un observatoire, de mesurer les performances de ce nouveau concept qui arrive en France. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape, justement, de ce projet? Où est-ce qu'il en est? Alors, le 26 septembre, normalement, on passe au conseil municipal la validation d'assistants à maîtrise d'ouvrage pour une conception-réalisation. Pour un démarrage des travaux, milieu de l'année 2025, et pour une ouverture, probablement, septembre 2027. Très bien, ça avance. Ça avance bien, oui, oui, on est content. Alors, je l'évoquais en introduction, vous portez ce projet donc de création d'une école inclusive sur la commune de Mône, ce concept sur le modèle pédagogique néo-zélandais. Mône va se transformer du coup tout le week-end en un véritable village d'artisans d'art. Le parc des Tomeaux, l'orangerie et la salle polyvalente vont être investis par des professionnels, le public, des artistes, des exposants. Donc Mône va être plus que vivant pendant tout le week-end. Est-ce qu'à quelques heures du top départ, vous êtes prêt? On est presque prêt, en tous les cas, ça s'agite encore un petit peu avec l'ensemble des bénévoles que je remercie au passage, car on a plus d'une centaine de bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année avec des fonctions complètement différentes. Ça peut être la communication, ça peut être la réalisation de travaux en amont et le montage de toute cette grosse installation, puisqu'on a 3000 m² de surface couverte pour tout cet événement. Et donc, chacun est à sa tâche et on est presque prêt, on est bien dans le planning qui était prévu au départ. Alors, on sera ensemble demain matin. Alors, pour la rediffusion, évidemment, nous sommes aujourd'hui jeudi 12, mais Monanfête, le village, démarrera bien ce vendredi 13 au matin. Et on sera ensemble puisque nous nous retrouverons pour une interview en direct des Tomeaux. Et puis, nous retrouverons également François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Et puis Daniel Labaronne, député de la deuxième circonscription. Donc, on se reverra demain matin. Avec plaisir. Donc, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de ce village des métiers d'art qui, je pense que cette année, on va dépasser la centaine d'exposants en incluant les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs apprentis de France, aussi des champions du monde. Et avec des métiers très divers, ça peut être le travail du cuir, le travail du bois, de la pierre, la ferronnerie d'art, la tapisserie. Donc, c'est très enrichissant. Les centres de formation aussi, et puis aussi tout ce qui touche l'emploi. Le but, c'est vraiment d'avoir une porosité entre tous ces métiers, tous ces acteurs pour donner envie ou des vocations à des jeunes ou des moins jeunes. C'est pour ça qu'on accueille aussi le vendredi presque 700 enfants, des collégiens qui vont venir découvrir et partager ces moments forts avec des gens qui sont super passionnés. Très bien. Effectivement, c'est une superbe initiative et je pense que chaque année, on retrouve des jeunes complètement fascinés et ça doit très probablement susciter des vocations. Tout à fait, oui. Moi, j'ai le souvenir d'un maître verrier qui a rencontré un jeune il y a 4 ans et aujourd'hui, le jeune est en formation de maître verrier sur Chartres parce que ben voilà, c'est un métier qu'il a découvert et il veut en faire véritablement son métier. Et peut-être en France, mais peut-être aussi ailleurs dans le monde. Et pourquoi pas, bien sûr, tout à fait. Alors le programme, il est vaste, hein, on en a parlé, puisque le village des métiers d'art, c'est une partie. Il y a l'écrin d'artistes qu'on va retrouver à la salle polyvalente également. Et puis il y a une scène musicale. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce vaste programme, Christophe ? Alors effectivement, l'écrin d'artistes, donc c'est un écrin, c'est un village dans le village. Donc c'est au niveau de la salle polyvalente qui est aménagée pour cet écrin. Et cette année, on a la chance d'avoir Muriel Butier-Chartrain, qui est aquarelliste, qu'on a réussi à avoir sur Mône. Donc c'est un véritable honneur de pouvoir l'accueillir dans notre village. Pareil pour Laurent Yvelin, qui est sculpteur, Grégory Corteferro, qui est peintre, et puis Christian Valette, qui est aussi sculpteur sur bois et pierre. Donc ça va être un véritable joyau, c'est très très beau. Déjà, ce qui est installé aujourd'hui, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Et puis après, c'est vrai qu'il y a toute la partie musicale. Cette année, avec trois points forts, donc le vendredi soir avec le groupe Divani, suivi par un karaoké géant. Le samedi, il y a le groupe Marvelos, c'est du pop rock, suivi par Tector Cumbia, ils sont venus déjà l'année dernière et le public les a à nouveau réclamés cette année. Donc ils reviennent cette année, c'est un big band. Il fallait faire plaisir au public. Voilà, c'est la musique latino, donc c'est extrêmement dansant, c'est très très sympa et puis ce sont que des professionnels. Le dimanche, il y a le concert de 11h de Jean-François Bouvry et un quatuor de saxophone où il joue Gershwin, le Rhapsody in Blue. On fête d'ailleurs les 100 ans du Rhapsody in Blue cette année. Et puis, il joue Don Zone 2 de Marquez. Donc, ça va être un grand moment. Jean-François Bouvry, on l'a réservé il y a 2 ans pour être sûr qu'il puisse venir là. Ah donc, oui. c'est un grand moment. Ah oui, ça se prépare vraiment beaucoup en amont. Il a un emploi du temps tellement chargé que on est content. C'est dimanche, 11h. Et puis, l'après-midi, il y a le groupe FMI, c'est un big band, 14 musiciens, les fous de la musique improvisée, FMI. Et là, on a une surprise l'après-midi pour les enfants, puisqu'on a demandé à Jean Musy et à Clément Musy, Jean Musy juste avant qu'il décède, en fait, avec son fils Clément, nous a fait des arrangements du Roi Lion, le Festival des Animaux, et puis beaucoup d'autres musiques qu'on a transformées en jazz. Donc ça, c'est une surprise qu'on fait aux enfants à 15h30, ce sera dimanche à 15h30. Alors le FMI joue à partir de 14h30, mais à 15h30, on fera ce petit spectacle pour les enfants. Un programme vraiment pensé pour tous, pour toutes et tous. Alors, Jean Musy, vous vouliez en dire un mot, forcément, il a une pensée nostalgique cette année pour lui. Tout à fait, oui, je suis très ému d'en parler parce que pour moi c'était un moment très très fort de rencontrer Jean Musy. Voilà, c'était une belle personne, quelqu'un qui a écrit plus de 1000 chansons de films, qui a écrit pour Barbara, pour Charles Aznavour, pour Beko, il a fait tous les albums d'Yves Duteil, et c'était quelqu'un de très talentueux qui a commencé avec Joe Dassin, avec les Champs-Élysées, et qui nous a quittés il y a quelques mois. Grâce à lui, on a pu faire tous les concerts dans les cathédrales en 2018-2019, plus le concert de Chambord, ce qui nous a permis de récolter suffisamment de fonds pour acheter la ferme pour réaliser cette école. Donc on lui doit un grand hommage et je vais même proposer à mon conseil municipal que l'école porte son nom. Voilà. Ah, bel hommage. Un très bel hommage. Et il y a quelques semaines, sur cette antenne, Pascal Caratti évoquait également, Pascal que vous connaissez bien, ancien directeur de l'école de musique d'Amboise, qui évoquait également Jean Musy et cette amitié que vous avez en commun avec cet homme incroyable. Tout à fait. On est trois personnalités complètement différente, que ce soit Jean, Pascal ou moi, mais c'était vraiment une belle rencontre et on a fait un bon bout de chemin ensemble, quelque chose que je pense que personne n'oubliera, y compris les musiciens et le public, parce que les concerts étaient extrêmement très très beaux, c'était vraiment un beau moment. Je vous propose, Christophe, qu'on marque une petite pause en musique avec justement les Champs-Élysées interprétées par Joe Dassin et que l'on doit à Jean Musy. Avec plaisir. On écoute. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. De retour sur l'antenne de Radioactive, vous écoutez le MAG d'Actu, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Villemain, maire de la commune de Mosne, et qui est également président fondateur du fonds de dotation Une musique, un sourire, qui, pour mémoire, si vous n'étiez pas là depuis le début de cette émission, prévoit de créer une école publique inclusive pour les enfants autistes sur la commune de Mosne. Donc Christophe nous a parlé de ce projet. Rappelons que tous les fonds récoltés durant les 3 jours qui viennent, à savoir sur le village des métiers d'art Mosne en fête, alimenteront le fonds de dotation de musique Un sourire en vue justement de pouvoir réaliser ce projet. Alors, ce village des métiers d'art va proposer beaucoup de rendez-vous, rencontres avec des professionnels, avec des artistes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tout était gratuit. Effectivement, l'entrée est libre. Le but, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre, qu'il n'y ait pas des gens qui restent à la porte parce qu'il faut payer 5 ou 10 ou 15 euros l'entrée. Donc, grâce aux mécènes, grâce aux collectivités qui nous suivent, notamment la région, notamment la communauté de communes, le département d'Indre-et-Loire, toutes les collectivités et surtout tous les mécènes, et aussi tout ce qui est fait par les bénévoles, qui oui. Autrement n'auraient pas les moyens. Le budget de 120 000 euros, et aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens de payer un tel budget, même si on faisait payer l'entrée. Donc, c'est grâce vraiment au mécénat et aux collectivités qui peuvent nous aider. Et donc, l'entrée est libre, aussi bien pour le village des métiers d'art, mais aussi pour tous les concerts. Voilà. Je trouvais intéressant de pouvoir faire accéder dans un village rural à de la musique classique, à des chants lyriques, à du gospel, à du jazz, à autre chose qu'on n'irait pas voir forcément, ou en tous les cas qu'on ne paierait pas forcément une entrée pour aller voir. Donc là, c'est vraiment accessible. Et les gens n'ont pas du tout d'excuses pour dire ben non, on ne peut pas y aller parce que ça coûte cher. Là, c'est gratuit. Exactement. Alors, il y aura la possibilité, bien évidemment, de se restaurer sur place. Il y a 5 points de restauration, ça va de la crêpe au conchon de lait, il y a des grillades, il y a des pizzas, il y a énormément de choses, il y a 5 points de restauration sur le lieu, effectivement. Et puis pour les familles, un aménagement spécialement prévu pour les enfants. Tout à fait. Alors en fait, on reprend les jeux d'antan. On a démarré avec quelques jeux il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a plus de 30 jeux. C'est des jeux qu'on retrouvait sur les foires jadis. Et les enfants et les moins jeunes s'amusent beaucoup à retrouver des chamboultous, à retrouver des jeux qu'on retrouvait avant. Donc c'est très, très rigolo, très convivial et populaire dans le bon sens du terme. C'est vraiment bien. Et puis c'est vrai que les espaces s'y prêtent tellement bien, que ce soit le parc des Tomeaux, l'Orangerie, voilà, ce sont des lieux qui sont parfaits. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bon outil, à nous de le faire vivre. Tout à fait. Tout à fait. Le parking est également gratuit. Bien sûr. Ça va de soi. Est-ce que finalement, ce sont les artisans d'art qui vous sollicitent pour venir participer? Parce qu'on imagine que depuis ces 5 années, c'est un événement qui gagne en notoriété, bien évidemment. Alors, est-ce que vous êtes sollicité par des artisans? Moi, j'aimerais bien venir sur le village. Ah oui, ça fait plaisir. Oui. Effectivement, cette année, c'était quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a des gens qui ont envoyé déjà leur ticket pour revenir cette année, alors qu'on n'avait pas du tout communiqué. Il faisait un mois que le premier village de l'année dernière était terminé. Et en fait, ils nous ont sollicité en disant « on envoie un chèque d'inscription parce qu'on veut absolument réserver notre place ». Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est bien. Et puis ça monte aussi en qualité d'une part, et puis des gens qui viennent de plus en plus loin. On a des gens qui viennent de Belgique, du Luxembourg pour venir exposer. Donc ça fait plaisir, c'est qu'il y a une certaine reconnaissance. En tout cas, on a vu une très belle com, hein, parce que quand on se déplace dans les communes environnantes, on voit les panneaux fluo. Je pense que nos auditeurs les ont forcément remarqués aussi, mais c'est quand même très visible. J'espère, et tout ça, c'est grâce aussi aux bénévoles qui s'emploient plusieurs jours à mettre les panneaux et à les retirer, parce que dès lundi, on retire tous les panneaux. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il ne suffit pas de les installer. Après, tout à fait, et puis c'est le partenariat qu'on a aussi avec les collectivités qui acceptent que l'on mette les panneaux chez elles, et donc de les retirer dès le lendemain de la fête, quoi, voilà. Ça va être aussi l'occasion, Christophe, pour les jeunes qui vont venir de rencontrer des professionnels. Il va y avoir peut-être des offres d'emploi à pourvoir. Tout à fait. Alors, il y a un salon de l'emploi, je crois. Vendredi, il y a un salon de l'emploi qui est dans le château du domaine des Tomeaux, où effectivement, il y a des entreprises qui viennent pour proposer des emplois en direct. Donc, c'était la première année l'année dernière et on renouvelle cette année parce que l'année dernière, ça avait été vraiment très bien vu. Et je pense qu'il y a eu quelques emplois qui ont été honorés. Donc, on recommence l'expérience. Effectivement. Au niveau de l'artisanat d'art, c'est un secteur porteur en termes d'emploi. Est-ce qu'il y a des métiers qui peuvent être en tension, par exemple, dans le milieu ? Ce qui est certain, c'est que les métiers d'artisanat d'art ou les artistes, ils font les choses avec passion. Et tous ceux qui font, mais quel que soit le métier, ça je suis, ça c'est l'entrepreneur qui vous parle, quel que soit le métier que l'on fait, dès lors qu'on le fait avec passion, il y a du travail. Et c'est ça l'avantage de ces artistes qui viennent exposer. Ils sont tous passionnés. Quand on entend les meilleurs ouvriers de France ou les meilleurs apprentis de France qui ont 17, 18 ans, oui. Ils parlent de leur métier, ça fait partie de leur vie intégrante. Comme les musiciens qui viennent, qui pourraient très bien parler de leur passion, les musiciens professionnels qui jouent, ils pourraient très bien parler de leur passion et donner aussi des vocations à l'autre. Mais c'est moins courant. Mais parler à quelqu'un qui travaille le cuir, la manière qu'il en parle, du tannage, du travail, de la découpe, de la préparation, de faire les profils et tout ça, eh bien ça peut donner envie, comme aux jeunes qui ont découvert ce métier de maître verrier. Mais je crois que c'est valable dans tous les métiers. Quelqu'un qui parle avec son cœur, il y a une émotion qui passe et qui partage vraiment une passion et forcément des émotions qui sont transmises et qui donnent envie, je crois. Donc vous encouragez tous les auditeurs qui seront publics et spectateurs, enfin plutôt visiteurs sur ce village ce week-end, à venir discuter avec les professionnels. Des fois on n'ose pas les déranger, on se dit je ne vais peut-être pas forcément acheter quelque chose, donc est-ce que je vais quand même m'approcher ? Au contraire, les professionnels adorent partager ce qu'ils font, et cette année c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a énormément de démonstrations. Il y en avait déjà. Ah, mais il y en a encore plus, là. Je crois qu'il y a 60% des professionnels qui sont là pour faire des démonstrations de leur métier. Super. Comment on travaille le cuir, comment on travaille le verre, comment on fait un travail de tapisserie, des choses comme ça. Et ça, c'est un exemple concret, quoi. On voit exactement le travail de l'homme, comment il fait, comme les tailleurs de pierre. Il va y avoir des ateliers de taille de pierre où les enfants ou les grands peuvent travailler et repartir avec leur pierre qui va être taillée. Et ça, c'est super. On l'avait déjà fait, enfin, on le fait tous les ans, mais c'est quelque chose de fabuleux. Et les enfants, c'est quelque chose de concret. Ils repartent avec leur pierre. Voilà. Vous avez vu la fileuse de laine aussi l'an dernier, notamment, par exemple. Tout à fait, oui, c'est vraiment bien. Oui. Et bien donc, de quoi rencontrer des personnalités et des objets, des créations fabuleuses pendant tout le week-end sur le village des métiers d'art Monanfête, les 13, 14 et 15 septembre, donc dans le parc des Tomeaux, mais également dans la salle polyvalente Mangeant. C'est ça. Où il y aura l'écrin d'artistes et puis tout plein de concerts sur les trois jours, vendredi, samedi et dimanche. Donc n'hésitez pas à venir. Un petit mot aux auditeurs pour clôturer cette émission, Christophe. Profitez-en, ça va être trois jours qui vont être fabuleux. En plus, un rendez-vous avec le soleil, donc il n'y a aucune raison pour ne pas venir. Entrée libre, le soleil, la restauration sur place, tous les ingrédients pour passer un bon moment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, Christophe Villemain. On vous souhaite un très très bon week-end et puis on se retrouve dès demain sur le village des métiers d'art de Monanfête. À demain, avec plaisir. Merci.